hier au soir, dans l'escalier. Je t'ai coincé, je t'ai pas loupé. Toi, qui voulais t'en aller, tu n'es plus prêt.